Hey yo, you're listening to a Sean Divine production. You need something to rely on. You need something to rely on. You need something to rely on. You need something to rely on. Yo, ok, tu sais l'amener, je me rassure à me dire que rien n'est vrai. C'est mentir à moi-même si je te dis que rien m'est vrai. J'espère même plus entendre ma musique à l'antenne. Je me dis aussi que je finirai alcoolique à long terme. Souvent le vent tourne, bah si je dérive c'est la poisse. Je voulais faire des thunes et non des rimes à la place. Je me méfie des gens même si j'ai l'air gentil. J'écris des textes par amour tout comme Kenny pour l'Argentine. Blasé par le son et blasé par le temps l'ami. Blasé par le con et blasé par les gens aussi. Toujours dans mes problèmes divers et variés. Toujours à boire, à finir mes verres de rêves à varier. Désormais les filles sont toutes mes grichonnes. Elles sont pour modèle des connes tout comme Paris Hilton. Moi aussi je suis qu'un clown triste dans le pire costume. J'écris ce texte, ouais peut-être à titre posthume. Vu que le tout se répète, que tout paraît réel, je lui sers un cesse de ma galère, vos compliments sont mon salaire. Parce que j'ai entendu que l'amour n'existait plus. Si j'oublie donc ce branle, liquidez-le, n'hésitez pas. Je suis dans le faux en pensant que tout est vrai. Cher ennemi, je suis un faux si tu penses que je suis faible. Vendeur de drames dans un monde criblé par l'horreur. Car le chétan se pointe toujours à l'aurore. Suis-je dans un rêve ou suis-je vraiment dans la haine? Frère, délivre-moi avant que demain j'y rêve. Qu'un simple rêveur 5 sur moi et mes erreurs. Je suis dans le flou et dur sont mes épreuves. Trop de cailles autour de moi, trop de gens bataillent dans l'opéra. Que des trompe-l'œil, essaye de m'enculer et tu verras. Encore une fois, je te dis que tout me paraît réel. Et je me prends pour Ziz ou Auréal. You need something to rely on.